écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour 2 heures de rock progressif. Et aujourd'hui, à l'émission, on aura The Samurai of Prague, qui est une nouveauté d'un groupe, en fait, multinational. On va aller du côté de l'Allemagne avec Amandoul 2. Et ensuite, aux États-Unis, avec 3 groupes successifs, on aura The Assemble Head in Sunburst Sound, Time Horizon et puis Tillergy. Et d'Australie, on aura Sebastian Hardy. Ensuite, des Pays-Bas, on aura Arjen Lucassen, ça c'est le maître d'œuvre de Arion, avec son groupe Guilt Machine. Et on va retourner en Australie avec Mild Life. Et en Finlande, avec Bernard and Porsti. Et on va conclure avec Gong, qui est une formation bien connue, multinationale. Alors, on débute ça avec une nouveauté du groupe de Samurai of Prague. C'est un groupe, en fait, qui est multinational, qui œuvre dans le crossover. C'est une nouveauté qui est en fait une seule chanson. Je devrais dire plutôt 2 chansons, mais la première chanson est plutôt une introduction de 2 minutes pour nous amener vers un long voyage de 57 minutes. C'est bien entendu qu'on n'aura pas 57 minutes pour peupler le premier bloc de l'émission qui est consacré, je vous le rappelle, à l'album de la semaine, mais je vous ai concocté un échantillon de 25 minutes qui, à mon avis, est assez représentatif de ce que vous allez entendre durant les 57 minutes de cette œuvre épique. Alors, on y va tout de suite avec The Samurai of Prague et la pièce titre de Demise of the Third King's Empire. We'll be right back. situations known. Embarking on a journey, my security is made of dreams. They wrap around and blanket Yeah. darkness falls on the whispering nightlife as Lorne makes his way through the wood. Moonlight shines on enchanted branches as Lorne finds his way to the cave. Deep within a dim light is glowing, drawing him near to its warmth. With each step, the glowing grows brighter, drawing him nearer, drawing him closer. One last step as he's rounding the corner. The light is so bright, he is blind. Still he sees it here at the center. His hands reach upward to the book, grasping it, he clutches it to him, runs from the ruins back to the temple. Searching deep and still. Surprise? No, it's just beginning, my son, the old one replied. Just as new day break, morning brings sunrise. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. J'ai découvert récemment un groupe américain là, du nom de Assemble Head in Sunburst Sound. C'est un groupe qui nous donne du rock psychédélique space assez rock. Et j'ai décidé de rester pour le bloc dans ce genre musical avec quelques nuances près. Là. On va débuter avec Amondul, qui est un groupe de krautrock allemand qui a fait des dizaines d'albums studio. Celui que je vous propose en introduction, c'est l'album Utopia. Et on va entendre la pièce de Wolfman Jack Shaw. Et ensuite, eh bien, on aura des Assemble Head in Sunburst Sound avec la pièce Two Birds, tiré de l'album When Sweet Sleep Return. En fait, c'est le quatrième album du groupe. C'est leur dernier qui est paru en 2015. Ils en ont quatre en studio. Ensuite, on aura Time Horizon, qui est un groupe américain, qui, lui, s'est limité à deux albums studio, un en 2011 et un en 2015. Et c'est tiré de cet album-là en 2015 qui s'intitule Transitions. On va entendre la pièce About Time et on va conclure avec un groupe un petit peu plus puissant, là, Télergie. C'est aussi un groupe américain. Ils viennent de faire paraître Black Swallow, qui est leur quatrième album studio, et je vous propose la pièce Infantry. Alors, on va débuter avec les bons vieux Amondul 2. Mm-hmm. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Le 31 décembre 2019, il y a eu un déjeuner de rock progressif à Trois-Rivières où participaient une vingtaine d'amateurs. Et après ce déjeuner-là, bien, il y a eu quelques occasions des 5 à 7 organisées par François Lavallée de l'Assomption. Et durant ces 5 à 7-là, ben, il y a plusieurs amateurs qui, grâce à l'application Zoom, il y a plusieurs amateurs qui se rencontrent et qui discutent de rock progressif. La dernière réunion a eu lieu le 30 septembre et il y a un participant qui a sorti l'album Four Moments du groupe Sebastian Hardeye d'Australie. C'est un album qui a passé assez inaperçu pour la plupart des membres qui participaient à ce 5 à 7-là. Et moi, je me le suis procuré et j'ai trouvé ça très bon. Et je suis pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres membres du 5 à 7 qui l'ont beaucoup aimé. Alors je vous en propose trois extraits. Bien, l'album c'est Four Moments, comme je vous parlais, c'est produit ça en 1976. Alors il y a une longue suite, quatre mouvements, je vous en propose trois. Ça sera suivi d'un des multiples projets de Arjun Lucassens, qui est le fondateur du groupe Arian. Alors, il y a eu l'occasion d'un album, un projet qui s'intitule Guilt Machine, et l'album s'intitule On This Perfect Day, et la pièce que je vous propose, c'est Perfection. Alors, on débute ça avec Sebastian Hardeye. Time moves on, our sun should stay with you. This moment from my nada é mais triste do que a morte da ilusão. all you've lost? Is perfection what you really want? And all the skies we share, the dreams we want. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le quatrième bloc avec une nouveauté qui nous vient de l'Australie. C'est le groupe Mild Life qui nous propose un premier vrai album studio. Les autres albums qui ont été sortis dans le passé étaient plutôt des mini-albums. Donc, c'est le premier album. Et l'album s'intitule « Automatique » et la pièce que je vous propose, c'est « Citation ». Ensuite, on va aller avec Bernard and Posty. C'est un groupe qu'on a fait jouer la semaine dernière en ouverture de l'émission. C'est leur nouvel album. Il y a un autre extrait intéressant, « Vuelo Segrado ». Et je vous rappelle que le titre de l'album, c'est « La Tierra ». On va terminer l'émission avec un groupe qu'on connaît bien ici. On les a fait jouer assez souvent. C'est Gong. Et j'ai une pièce que j'apprécie particulièrement. C'est « The Eternal Wheel Spins ». Ça, c'est tiré de « ICU », l'album de 2014. Je pense que c'est le 20e ou le 23e du groupe. Là. Et c'est surtout sur cet album que l'on retrouve pour la dernière fois le fondateur David Allen avant son décès. We'll be right back. Thank you. responsabilidad, con firmeza y honestidad, sin miedo a poder.